Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand reçoit Philippe Séguy. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Philippe Séguy est, entre autres nombreux ouvrages, l'auteur d'une biographie multiple, d'une certaine manière, puisqu'on y trouve toute la famille Rostand, grand-père, épouse et fils. Le plus célèbre, c'est évidemment Edmond Rostand. Et je vous propose, à titre de préambule, de revivre le fameux triomphe de Cyrano de Bergerac. Et de temps en temps, ce sont les auditeurs de Cœur de l'Histoire qui vous proposent des retours aux origines. Aujourd'hui, c'est Jacques qui voudrait connaître les origines du champagne. Et oui, mais on va parler de Dom Pérignon, bien entendu, qui, comme Louis XIV, était né en 1638 et mort en 1715. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Je ne sais pas si on en est toujours conscient, mais il y a eu à la fin du 19e, au tout début du 20e siècle, un grand moment de théâtre. Il faut imaginer ce que les théâtres parisiens proposent à la fin de l'année 1897. Au théâtre de la Renaissance, on joue, quand je dis au théâtre de la Renaissance, donc chez Sarah Bernhardt. À l'époque, elle a fait son triomphe un an plus tôt, en 1896, Madame Sarah. On joue Les Mauvais Bergers d'Octave Mirbeau, c'est une pièce sociale. On raconte l'histoire d'une grève qui tourne mal. Il y a un théâtre d'avant-garde à cette époque-là, bien entendu, à la fois poétique et symboliste. Théâtre qui est incarné par L'Uniepo, qui va trouver son lieu d'élection à l'œuvre, mais aussi du vaudeville, bien sûr, avec Maurice Donnet, Abel Hermant, l'Hôtel du Libre-Échange de Feydeau, et puis des drames historiques comme La Jeunesse de Louis XIV d'Alexandre Dumas, ou bien sûr Le Tour du Monde en 80 jours, qui est repris en 1897. Eh bien, au théâtre de la Porte Saint-Martin, on monte une pièce qui n'appartient à aucun de tous ces genres. Ou alors, on peut dire qu'elle appartient peut-être un peu à tous. Ce n'est pas du tout une pièce politique, quoi qu'il y soit question de patriotisme. Ce n'est pas une pièce d'avant-garde, même si sa poésie ressuscite un certain nombre de courants et les transcende. Je pense notamment au romantisme hugolien, qui se retrouve remanié, si l'on peut dire, repris dans cette pièce. S'il y a de la drôlerie, bien sûr, du grand spectacle, avec un degré d'exigence très supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque. Voilà ce que nous dit Gérard Bauer. La bourgeoisie française, impatiente d'on ne sait quoi, se lassait doucement de ces complications sentimentales sur lesquelles Maupassant et Bourget avaient versé tous les baumes et toutes les amertumes du cœur et le théâtre libre, ses âcres vérités. Elle attendait une aventure, un souffle neuf. C'est alors qu'on annonça dans les journaux la prochaine création à la Porte Saint-Martin, celle de La Mort de Hoche et de Déroulède, d'un autre drame, en 5 actes et en vers, Cyrano de Bergerac par Monsieur Edmond Rostand. Et voilà le nom, qui à l'époque n'est pas encore très connu, parce qu'il est jeune, Edmond Rostand, 97, il a à peine 29 ans. Il était né à Marseille le 1er avril, ça ne s'invente pas, 1868, dans une bonne maison bourgeoise du 4 de la rue Monteau, qu'on appelle la rue Edmond Rostand aujourd'hui. Il est l'arrière-petit-fils d'un maire de Marseille, Alexis-Joseph Rostand. Ses parents appartiennent à la bourgeoisie négociante et même bancaire. Son père est un homme cultivé, vous savez. Il est un de ces bons esprits de la belle époque, polygraphe, qui se targue de faire un peu d'économie à ses heures. L'éducation du jeune Edmond a lieu au lycée de Marseille, éducation très très classique. Il va quitter Marseille avec ses parents et ses deux cousines, en 1880 pour Luchon, parce que c'est la station thermale à la mode. Son père a peur d'un certain nombre de débordements. Il reviendra passer ses étés à Luchon, Edmond. Ça va jouer un rôle très important dans sa vie. On y viendra tout à l'heure avec Philippe Séguy. C'est là qu'il va écrire ses premières œuvres et notamment une pièce de théâtre qui s'appelle Le Gant Rouge. Ne me demandez même pas de quoi ça parle, parce que moi je ne l'ai pas lu, Le Gant Rouge. Vu, n'en parlons même pas. 1884, il entre au collège Stanislas à Paris et on raconte qu'il y écrit dans les marges de ses cahiers déjà des vers. C'est un homme qui fait des vers, Rostand. Comme Voltaire avant lui, même si on a tendance à l'oublier, ou comme bien entendu le grand Corneille qui faisait des vers comme il respirait. À 17 ans, il écrit une pièce, Les Petites Manies, et une nouvelle, Monsieur la Bruyère. Il s'inscrit en droit à Paris. Il devient diplômé de droit, hein. Mais on peut pas dire qu'il exerce quoi que ce soit dans ce métier-là. Il commence à écrire des poésies lyriques. À 19 ans, en 87, il reçoit un prix de l'Académie de Marseille pour un essai sur deux romanciers de Provence, Honoré d'Urfé et Émile Zola. Alors Émile Zola, c'est vrai, est originaire de Provence. Est-ce que pour autant on peut le taxer de provençal? C'est une autre question. Et il va monter à 20 ans sa première pièce, donc ce gant rouge qui n'a aucun succès. C'est à Luchon, où il revient, je vous dis constamment, qu'il va rencontrer la petite fille d'un maréchal d'Empire, pas n'importe lequel, la petite fille de Gérard, le héros de Wagram. Elle est filleule de le comte de Lille. Il faut imaginer les jeunes gens qui marchent comme ça sous les marronniers de Luchon pendant cet été 1888. On est dans une forme de galanterie toute nouvelle qui va bientôt devenir celle de la Belle Époque. Elle s'appelle Rosemonde, la jeune fille, Rosemonde Gérard. Ils vont se fiancer en 89. Ils se marient l'année suivante à Saint-Augustin, à Paris tout de même. Leur premier fils, Maurice, le futur poète et le dramaturge, va naître l'année suivante. Jean, quant à lui, naît le 30 octobre 94. C'est lui qui deviendra biologiste et qui, comme son père, siégera sous la coupole. Alors, il faut imaginer toute cette famille vivant dans un bel hôtel de Paris, rue Fortuny. Maurice Rostand parle de cet endroit comme d'une demeure enchantée, celle de sa petite enfance, celle où son père avait composé Cyrano. Vous imaginez le château parisien de Cyrano, le cabinet de travail, où le soir, le poète lisait sa compagne les vers qu'il avait écrits pendant la journée. Il faut vous dire qu'il n'arrête jamais d'écrire, Edmond Rostand. En 89, il publie son premier recueil poétique, Les Musardises. La Comédie Française refuse en 91 une nouvelle pièce, Les Deux Pierrots. Il présente au Théâtre Français Les Romanesques l'année suivante. Il écrit pour Sarah Bernard La Princesse Lointaine, qui entre parenthèses est un four complet. Il ne se décourage pas, et elle non plus, puisque ça va être la nouvelle pièce de Sarah, La Samaritaine, qui est une sorte de pastel biblique. Jules Lemaître dit « C'est l'évangile mis en vers par un poète de cour d'amour, par un troubadour du temps de la reine Jeanne ». Eh bien ça marche, La Samaritaine, c'est le premier succès d'Edmond Rostand. Évidemment, ce n'est rien du tout à côté du succès qui vient maintenant. La bande originale du film Cyrano de Bergerac sur Europe 1. Jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire des Rostand avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le commerce, l'armement naval, la finance, la politique et la littérature. Cet après-midi, c'est la famille Rostand qui est à l'honneur sur Europe 1, avec un gros plan sur Edmond Rostand. Évidemment, Franck. Nous commençons par la littérature, Anissa. Et pourquoi? C'est la question, pourquoi Edmond Rostand s'est-il intéressé à ce personnage du XVIIe siècle, à ce personnage de Cyrano? Il faut vous dire qu'on est dans cette période, la toute fin du XIXe siècle, où l'érudition est très grande et où la littérature classique occupe une place vraiment tout à fait incroyable. Ça n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. On connaît les auteurs du XVIIe, on connaît presque comme de la famille, on connaît intimement les grandes figures du grand siècle à cette époque. Ça fait partie de la vie, on respire avec, si je puis dire. Et donc, on sait que parmi tous les auteurs de l'époque, il y a ce Savinien de Cyrano qui avait, bien que né à Paris, qui avait été élevé, vous savez, par un curé de campagne avant d'intégrer le collège de Beauvais, puis de venir étudier à Paris. Il avait, c'était un bretteur, hein, c'était un personnage extraordinaire, courageux, batailleur, coureur d'aventure, bref, un beau personnage de théâtre. Lamonnois nous dit, Bergerac était un grand ferrailleur. Son nez, qui l'avait tout défiguré, lui a fait tuer plus de 10 personnes. Il ne pouvait souffrir qu'on le regardât et il faisait mettre aussitôt l'épée à la main. Bah, ça suffit. Que ce soit vrai ou non, évidemment, l'anecdote est trop belle et elle ne peut qu'inspirer un dramaturge, un personnage qui tue simplement parce qu'on a regardé son nez. Vous imaginez? Bon, donc ça, c'était, il y avait là tout, il y avait les cadets de Gascogne, il y avait tout le décor, si je puis dire, qui ressuscitait un peu l'atmosphère des Trois Mousquetaires de Dumas. On est dans cet esprit. Mais il fallait une belle histoire, il fallait une romance, il fallait une histoire d'amour au milieu de tout ça. Eh bien, cette histoire d'amour, elle a été inspirée à Rostand en 1895, alors que, décidément, il est encore à Luchon. Il a bien fait de connaître cette station balnéaire de Luchon, parce que il y a fait finalement presque toutes les rencontres importantes de sa vie. Et là, en l'occurrence, il rencontre un jeune homme qui lui dit « Oh, je suis très très amoureux d'une jeune fille, mais je ne sais pas trop, elle n'a pas l'air de répondre à ma flamme. » Enfin, vous savez, à l'époque, on est quand même très très prudent. Et très... Alors, Rostand lui dit « Mais que lui dites-vous ? » « Eh bien, je lui dis que je l'aime. »« Oui, mais d'accord, mon jeune ami, mais encore. »« Ben, je recommence. » »« Et après ? » ?»« Eh bien, c'est tout. »« Ah, oh, mais quand elle vous aimera, ça suffira, lui dit Rostand. »« Mais pour le moment, ça ne suffit pas, il faut en dire davantage. » Et il va prendre l'habitude, tous les jours, d'écrire quelques mots que le jeune homme recopie de sa plume malhabile et qu'il donne le soir à la jeune fille qui, bien sûr, entre en pamoison devant la délicatesse de l'inspiration de ce qui est un véritable poète. Et ça... C'est l'argument dont Rostand va faire le cœur même de sa pièce, bien entendu. Sitôt de retour de ses vacances, il se dit « Voilà, je tiens mon drame, j'ai mon personnage et ça va être le personnage de Christian, amoureux de Roxane, etc. » Tous ces éléments vont se mêler pour donner naissance à la grande comédie héroïque. Alors, on voit Rostand travailler, bien sûr, chez lui à Paris, rue Fortuny, au château de Saupissot, en forêt de Compiègne également. Il multiplie les rencontres avec celui qui va incarner son personnage. C'est Coquelin, bien entendu, Coquelin aîné, qui interprétera Cyrano. Quant à Rosemonde Gérard, dont va nous parler Philippe Séguy dans un instant, elle est là, dans l'ombre. Et quand je dis dans l'ombre, elle est même présente. Elle connaît la pièce par cœur avant même que l'encre ne soit sèche. Cette pièce, on la monte dans la foulée. La direction du Théâtre Saint-Martin a un petit peu hésité parce qu'il faut quand même 5 grands décors, vous imaginez, et puis une figuration très nombreuse. Il y a des dizaines de personnes sur scène, 45 rôles parlants. Tout ça est quand même, c'est une pièce très lourde à monter, très ambitieuse. Et puis, disons les choses, rappelez-vous ce que j'étais en train de vous dire à l'instant sur le théâtre parisien de l'époque, sur l'inspiration, sur l'avant-garde, sur l'invention théâtrale, là on en est loin quand même. On est dans une grande, forte pièce classique qui n'a pas grand-chose de nouveau et qui surtout n'a rien d'actuel. Elle est écrite, cette pièce, en alexandrin comme on aurait pu le faire au XVIIe siècle, même si nombre d'alexandrins sont irréguliers dans la pièce pour justement donner un côté moderne. Mais enfin néanmoins, le risque serait impossible à prendre pour un théâtre non subventionné, nous dit Gérard Boer en parlant de notre époque. À l'époque, la Porte Saint-Martin finit par dire oui, avec quand même la garantie financière de la famille Rostand, pas oublier cet aspect. Mais Edmond a confiance, sa femme plus encore, quant à l'acteur principal, Coquelin. Alors lui, il est déjà sur les planches, si je puis dire. Alors avant la première, à mesure que le grand jour approche, vous imaginez la tension qui s'empare de tous ces acteurs. L'acteur Castillon, qui joue le rôle de Lebray, utilise le terme « noir » pour qualifier la pièce et son avenir. Même Coquelin, d'ailleurs, va finir par douter. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer dans 10 jours » dit-il, juste avant d'entamer la générale. C'est pas très gentil, d'ailleurs, comme phrase, mais c'est peut-être une façon, c'est peut-être une superstition, une manière de conjurer le sort. le jour de la couturière, celle qui doit jouer le Roxane, mademoiselle Maria Legault, est malade. Et je vous ai dit que madame Rostand, Rosemonde pour les intimes, connaissait le rôle par cœur. Eh bien, elle va la remplacer au pied levé pendant toute la journée. Et au moment où le rideau va se lever, madame Rostand se dit que c'est peut-être pour elle le début d'une nouvelle carrière. Elle monte sur les planches, elle est là, elle va jouer devant tout Paris, ce qui est un petit peu bizarre pour une dame de la grande bourgeoisie comme elle. Eh bien non, parce que quand même, on peut être malade, mais on a son ego néanmoins. Et Maria Legault est là au moment où se lève le rideau. C'est bien elle qui jouera ce soir-là à la première de Cyrano de Bergerac. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la famille Rostand, ils sont nombreux à avoir du talent et dans différents domaines. Mais le plus connu, c'est Edmond, l'écrivain, dramaturge et auteur de Cyrano de Bergerac, Franck. Évidemment, et voilà le rideau qui se lève sur cette première de Cyrano de Bergerac. On est 2 jours après Noël 1797. C'est une manière de clore l'année, de cette année extraordinaire, hein, d'ailleurs cette année 1897. Alors... évidemment, on a mal choisi le jour, puisque le même soir, boulevard de Rochechouart à Montmartre, avait lieu la première d'une revue de cabaret, et la plupart des critiques et toute la bonne société parisienne se disaient, on va aller voir un ou deux actes de cette espèce de pièce là de Rostand, et ensuite on montera à Montmartre et on s'amusera beaucoup. Eh bien, en fait, ils vont en être pour leurs frais, tous ces rieurs, parce que à mesure que la pièce avance, c'est une espèce de fascination qui s'empare du public. Dès le premier acte, le public entra dans le jeu et adopta Cyrano, nous dit Gérard Boer. Le premier acte n'est pourtant qu'un acte d'exposition, mais d'emblée, Rostand y affirmait sa maîtrise d'homme de théâtre, déployait cette fantaisie, cette souplesse poétique où résonnait en frais écho le cliquetis de Banville, l'accent picaresque du capitaine Fracasse et les ruissellements du vieil Hugo. Et c'est tellement fort qu'au deuxième acte, chaque tirade est acclamée debout par la salle. On n'est qu'au deuxième acte, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Au troisième acte, juste avant le grand entracte, le ministre de l'Intérieur et le président du Conseil se rendent en coulisses pour féliciter personnellement l'auteur à qui l'on annonce, ça y est, d'emblée qu'il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est le début de ce qui va être un véritable triomphe. Antoine a raconté dans son journal, nous dit Gérard Boer, que l'acteur Duménie était venu lui rapporter au gymnase le prodigieux succès et qu'il avait compris tout de suite combien ce succès allait s'opposer, du moins pendant quelque temps, à la forme réaliste de théâtre qu'il défendait depuis 10 ans. C'est vrai que pour tous les auteurs et pour tous les propriétaires de salles d'avant-garde, c'est une mauvaise nouvelle, ce triomphe de Cyrano, bien entendu, parce que ça annonce un nouveau genre héroïque qu'on appellerait, nous, un peu pompier et qui s'oppose, bien entendu, aux avancées de ce théâtre d'avant-garde. Alors, les applaudissements n'en finissent plus, les spectateurs sont debout pendant des minutes et des minutes, on réclame « Rostand, Rostand !» Alors Coquelin se tourne de part et d'autre, il voudrait que l'auteur vienne saluer, mais Rostand refuse de venir, il faut l'imaginer tout mince, tout pâle, raide comme un piquet dans la coulisse, il est trop ému. « Mesdames et messieurs, annonce-t-on, la comédie héroïque que nous avons eu l'honneur d'interpréter devant vous est de monsieur Edmond Rostand, acclamation !» Et on finit la phrase « qui vient de quitter le théâtre ». Il n'empêche, bravo, bravo, on n'avait pas vu un tel triomphe depuis l'Antony de Dumas et peut-être même depuis plus longtemps. C'est plus beau que le 4e acte de Ruy Blas, écrira Catulle Mendès. Quant à Jules Renard, il dit « ce Rostand est un homme de génie, voilà tout ». Émile Faguet est encore plus empoulé. Il nous dit que cette pièce est une manière, ouvre le XXe siècle d'une manière éclatante et triomphale. Vous imaginez ? Quel triomphe en une soirée, écrit l'écotier, enfin le critique de l'Écho de Paris. Il a l'idée frappée dans le métal sonore de l'expression. Il a l'imagination et l'image qui s'envolent comme un oiseau vernicolore. Il a l'art dont les délicats sont ravis et charmés. Il a la force, la sensibilité, l'abondance et la variété, la fantaisie et l'esprit, l'émotion et l'éclat de rire. J'en m'en tiens là avec les critiques, parce que on pourrait comme ça faire 3 heures de toutes les critiques qui sont parues le 28 décembre 1897 dans tous les journaux, y compris les dernières feuilles de chou, pour acclamer le nouveau poète national, parce que c'est comme ça qu'à partir de maintenant, Rostand va être considéré. Vous savez, il y a un autre poète en France à qui c'est arrivé avant lui, c'était justement Corneille, le soir de la première du Cid, qui a eu le même genre de triomphe. Et le problème, et ça Rostand le sait très bien, c'est que Corneille, du jour au lendemain, a été figé dans une espèce de pose de statue, figé dans le marbre. Il a été condamné à écrire de grandes tragédies, etc. D'ailleurs, je ne suis pas certain que la même malédiction ne soit pas tombée sur Edmond Rostand, puisque on verra que dans les années qui suivent, il aura le plus grand mal à produire quelque chose. Quand vous avez écrit quelque chose qui enthousiasme les foules, vous avez peur ensuite de la moindre ligne, si je puis dire. 400 représentations à la Porte Saint-Martin, vous imaginez. 2 286 000 francs de recettes. C'est la plus grosse recette jamais atteinte par aucun théâtre dans une seule année. C'est complètement incroyable. 150 000 exemplaires de la pièce sont édités par Fasquelle, qui, entre parenthèses, a eu le nez creux en reprenant un auteur qui jusqu'alors n'avait pas eu de succès. C'est ça le plus inouï. Un incident va intervenir un dimanche soir. Madame Rostand raconte que Coquelin a supprimé dans la tirade la tirade des non-merci. Il a supprimé 2 vers sur les 1400 quand même que comporte son rôle. Et un spectateur frustré s'est levé et a hurlé dans la salle « Au texte, monsieur Coquelin !» Et l'acteur de répondre « Monsieur, vous avez raison, je reprends. » À la 100e de la pièce, on a été jusqu'à distribuer des fleurs aux dames qui étaient dans la salle. Et même, vous savez que sur la scène, au moment de l'acte qui se passe chez le pâtissier Ragnaud, on a de fausses pâtisseries, bien entendu. Bien, ce soir-là, on a remplacé les fausses pâtisseries par des vraies qui ensuite ont été distribuées au public. Edmond Rostand est devenu, je vous l'ai dit, une sorte de gloire nationale. Alors, évidemment, il publiera un petit peu plus tard, en 1901, sa nouvelle pièce, L'Aiglon, qui va être également un très grand succès avec Madame Sarah Bernard dans le rôle titre. Il est élu à l'Académie française, il lit son discours de réception en 1903. Il n'a que 33 ans quand il entre à l'Académie française, vous imaginez ça. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que assez tôt, assez vite, il va contracter cette pleurésie qui va l'amener à se retirer dans le Pays basque, à Cambo-les-Bains, dans sa splendide villa Arnaga, dont je conseille la visite à tous nos auditeurs. Alors on va venir à Cambo, on va venir à la famille, à ses enfants, à sa femme. Bref, nous sommes chez les Rostand en compagnie de Philippe Séguy. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'armement naval, la finance, la politique, la littérature. Cet après-midi, c'est toute la famille Rostand qui est à l'honneur sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand, Philippe Séguy, journaliste, historien et romancier et auteur de Rostand paru chez Pygmalion. Et maintenant, biographe, pour ne pas dire polybiographe, cher Philippe Séguy. Alors, on va dire un mot quand même encore d'Edmond Rostand avant de le quitter pour parler de tous ceux qui l'ont entouré. C'était une figure tout à fait extraordinaire. Il faut l'imaginer tout mince, tout sec avec sa moustache comme ça extraordinaire, un peu à la Hercule Poirot. Il y a un film, je dis bien un film, où on voit Edmond Rostand écrivant des vers dans le film de Sacha Guitry qui s'appelle « Ceux de chez nous » tourné en 1915. C'est formidable ça. Et c'est une scène d'ailleurs très très émouvante. Sacha, qui connaissait évidemment par son père Lucien Guitry, lui-même d'ailleurs très proche des Rostand, s'est amusé à tourner, comme il le dit lui-même, « Ceux de chez nous » finalement. Et on voit Edmond Rostand magnifique, un véritable dandy avec le Panama, la moustache cirée, les jolies guêtres, qui parlent justement avec notre grande Sarah Bernard. qui est toute bruissante dans ses chinchillas blancs. Et ces deux-là prennent le thé sous un arbre et bien évidemment parlent de quoi ? De potin, de verre, de théâtre. Edmond Rostand, quelle belle figure des lettres françaises. Oui, c'était en même temps une espèce de dandy. Vous avez employé l'expression. Quand on se promène dans sa villa à Arnaga, c'est un rêve, hein, on voit à quel point il poussait même la fantaisie. Il y a notamment une horloge qui a 14 divisions au lieu de 12 parce que ça permettait, disait-il, de sonner midi à 14 heures. Ça, c'est tout l'humour d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, c'est aussi un homme passionné par les techniques. Ce n'est pas pour rien si son fils Jean sera biologiste et scientifique. Le confort est à Arnaga. Indépendamment de cette somptueuse baignoire en argent massif, que Rosemonde Gérard n'aime pas trop d'ailleurs parce qu'elle est froide, il y a aussi toutes les inventions modernes. Il y a des passe-plats, il y a l'électricité, il y a le confort qui permet à Edmond d'inviter ses amis dans cette magnifique demeure. Est-ce que j'ai le droit de me faire le biographe de Philippe Séguy et de dire que vous avez joué Rostand d'ailleurs, hein? J'ai eu cette chance et surtout j'ai joué dans Cyrano de Bergerac et également dans L'Aiglon avec un personnage qui était une très grande figure du théâtre français, Jean Weber, dont je salue la mémoire, très très grand sociétaire qui avait d'ailleurs merveilleusement incarné ce fameux et tristement célèbre duc de Reichstadt, notre Aiglon, et il fallait évidemment entendre, écouter Jean Weber évoquer Rosemonde Gérard, évoquer son fils Maurice qu'il avait intimement connu, on va dire ça comme cela, et c'était un rêve absolu. Nous avions les indications sur scène au moment des répétitions de ce que pouvait conseiller Edmond Rostand à l'époque à ses propres comédiens. Oui, c'était presque directement Rostand qui vous conseillait. Exactement, en fait, j'étais jeune comédien à cette époque-là, c'est un souvenir inoubliable. Ah oui, bien entendu. Alors, le succès phénoménal de Cyrano de Bergerac va faire que Rostand, du jour au lendemain, devient une gloire nationale. Ce qui veut dire que la pièce L'Aiglon sera jouée par Sarah Bernhardt, bien sûr. La pièce Chanteclerc, ben là quand même, Sarah Bernhardt n'a pas osé jouer le coq, donc ce sera Lucien Guitry. Mais il n'en fera plus tellement de pièces après ça. Vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe du personnage. Il est en effet statifié de son vivant par cette gloire nationale et internationale. Et c'est le drame de la vie de cet homme qui, par honnêteté intellectuelle, se demande ce qu'il va bien pouvoir écrire après. Et il écrira peu parce qu'il consacre énormément de temps à chacune de ses pièces. Est-ce que vous voulez entendre Coquelin aîné dans la scène du duel de Cyrano? Alors attention, il faut tendre l'oreille. Le son est très mauvais, mais vous imaginez, on est en 1897. Je sais. Avec grâce, mon feu, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je tire. Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre maheutre, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquitaintes, dit-on, ma pointe voltige, une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je trouve. Voilà donc Coquelin dans le rôle de... C'est curieux parce qu'on est toujours un peu déçu quand on entend les grands comédiens d'autrefois dire des vers. Hein. C'est vrai. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est forcément juste, que Sarah Bernhardt ne croyait pas à l'invention. Et lorsqu'on l'entend justement déclamer Phèdre avec des trémolos à chaque syllabe, il paraît qu'elle se moquait des mauvaises comédiennes, des copines qui, elles, évidemment, avaient moins de succès parce qu'elles ne croyaient pas justement à l'invention du phonographe. Mais si vous voulez, ce sera le cadeau de fin d'émission. On entendra tout à l'heure la voix de Sarah Bernhardt. Sur un poème, bien sûr, d'Edmond Rostand. Alors, à côté d'Edmond, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, et c'est en lisant votre livre qu'on s'en rend compte, on a beaucoup trop négligé cette femme essentielle qu'est Rosemonde. Rosemonde Gérard, la petite fille du fameux Gérard. Et déjà, c'est une histoire d'amour, vous l'avez dit, Edmond adore Rosemonde, qui le lui rend bien. C'est de l'aveuglement, c'est quelque chose, c'est une adoration totale. Rosemonde a comme aïeule la célèbre Madame de Genlis, qui était la gouvernante des enfants du roi. Grande éducatrice du 19e siècle. Très grande éducatrice, gouvernante des enfants du futur roi Louis-Philippe. Elle a un maréchal de France aussi dans ses ancêtres. C'est une femme dont l'éducation est exquise et c'est elle-même une poétesse. Il ne faut pas oublier que la filleule de Lecomte de Lisle a publié un premier recueil de vers qui s'appelle les Pipeaux et chez qui le comte de Lille croit reconnaître, il le dit lui-même, la flûte de Mozart. C'est une femme ravissante, blonde, évanescente, avec des yeux couleur noisette et qui enchante véritablement tout et tous sur son passage. Elle a, pour ses deux enfants, pour Maurice, son fils aîné, pour Jean, son fils cadet, aussi une forme d'adoration et elle les éduque avec cette poésie extraordinaire qui nimbe chacun de ses gestes. Ainsi n'hésite-t-elle pas, enfin je trouve l'histoire délicieuse, à peindre les coquilles des escargots des différentes propriétés dans lesquelles ils vont vivre, de différentes couleurs, rouge rubis, vert émeraude, jaune topaze. Et pour la sensibilité de Jean et de Maurice, l'image est évidemment inoubliable et ils en parleront tous deux dans leur mémoire. Elle soutient son mari, elle se bat pour lui. Vous parliez par exemple de la 100e de la représentation du Cyrano, c'est elle-même, c'est Rosemonde qui va commander chez les traiteurs ces fameux gâteaux réels pour que l'odeur des produits nimbe la scène, l'envahisse. Et elle demande à ses fils et à leur nounou de récolter amoureusement des feuilles mortes pour que la scène en soit jonchée au moment, bien évidemment, du cinquième acte. Je me dis parfois que s'il fallait incarner ce qu'on appelle la Belle Époque, Edmond Rostand, son épouse Rosemonde, les parents Rostand également, les enfants dont nous allons parler dans un instant, tous ces gens-là incarneraient mieux que d'autres peut-être le génie propre de cette période tellement inouïe. C'était des amoureux des sciences, des techniques. Il ne faut pas oublier par exemple la fascination d'Edmond Rostand pour les avions, hein. C'est une famille qui a à la fois la culture classique et romantique. C'est une famille pétri de cette culture, d'esthétisme. C'est une famille obsédée, vous l'avez dit, par tout ce qui peut incarner le génie humain, qui croit au lendemain et dont les espérances, malheureusement, vont trébucher, vont se briser sur la Grande Guerre, sur le spectre de la guerre de 14-18. Eh oui, là, la guerre de 14 apparaît comme une vraie grande fracture, en fait. On va y venir dans un instant à propos des fils, bien entendu. Pour Edmond Rostand, qui est le fils de son père, au demeurant, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a quand même de qui tenir. Tout à fait. Eugène Rostand est un homme qui se passionne pour la littérature, qui est lui-même un homme qui est pétri de poésie, qui a une femme absolument exquise, qui vénère son fils et ses deux filles, et qui a l'intelligence de comprendre que le petit Edmond ne sera pas nécessairement le futur patron de la Caisse d'épargne de Marseille, ne sera pas non plus nécessairement membre de l'Institut comme lui ou économiste, mais qu'il mérite ses brillantes études qu'il fait d'abord en effet à Marseille, puis au lycée Stanislas à Paris. Moyennant quoi, il finira à l'Académie française. Et moyennant quoi, il finira à l'Académie française. Et son père est d'une fierté absolue pour ce rejeton génial. Oui, bien sûr. Et cette famille qui est fortunée, bien entendu, qui fait partie des grandes familles, comme on dit, n'en est pas moins très attentive au sort de la population. On est très, on aime les gens, si je puis dire, chez les Rostand. On aime les gens et la famille Rostand est vraiment fondamentalement une famille de gauche. C'est une famille qui s'intéresse sincèrement aux obscurs, aux petits, aux sans-grades, comme le dit bien évidemment Flambeau dans Les Glons, qui s'intéresse au sort des ouvriers et qui essaie justement de faire en sorte que les économies des ouvriers reviennent aux ouvriers. Et donc tout un état d'esprit d'une certaine bourgeoisie de cette époque, de cette belle époque. Alors, on va revenir sur Edmond parce qu'on ne peut pas le quitter vraiment dans un instant, mais surtout on va parler de ses deux fils, Maurice un peu, et beaucoup de Jean, parce qu'alors Jean, c'est quand même un grand esprit totalement, à mon avis, méconnu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la famille Rostand, il y a Edmond, mais il y a aussi ses enfants. Et on en parle cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Philippe Séguy, journaliste, historien et romancier, et auteur de Rostand, paru chez Pygmalion. Ils sont tout petits, les fils Rostand, quand leur père devient une célébrité nationale. Maurice a 5 ans et le plus petit, Jean, encore plus petit, il a 2-3 ans. Ils ont dû vivre ça. C'est-à-dire que pour eux, l'enfance a été comme une sorte d'enchantement. D'ailleurs, Maurice gardera de l'hôtel particulier de la rue Fortuny un souvenir ébloui. Ils n'oublieront jamais. Et c'est à la fois, là aussi, un paradoxe. À la fois, c'est un émerveillement perpétuel. Leur père est différent, leur mère est admirable. C'est une fée et un poète. Et en même temps, il faut se taire, il faut chuteter dans les couloirs, dans les antichambres. Pas faire de bruit, enfin, papa écrit. Exactement. Il ne faut pas faire de bruit, papa écrit. Et on leur donne cette espèce d'image, je dirais, de l'imagination, de l'inspiration, comme deux fées divines qui descendent des cintres et qu'il ne faut surtout pas déranger. L'un ne comprend pas tellement son père, c'est Jean, Jean le scientifique. Il disait, je ne comprenais pas mon père qui passait amoureux des insectes. Heures, amoureux des insectes et des grenouilles. Mm-hmm. Et il ne comprenait pas son père qui regardait ainsi pendant des heures un coucher de soleil, jusqu'à la dernière minute, je dirais, du soleil plongé dans la mer et qui se vautre, il n'y a pas d'autre mot, dans l'herbe mouillée, faisant fi de son costume marin et qui caresse d'un doigt ému le ventre tiède d'une rainette, comme si sa vie en l'impression dépendait. D'y être. Alors que Maurice, ça vous plaît évidemment... le ventre tiède de la rainette, ah, Anissa, je vois ça. Oui, absolument, il n'y a rien de plus sexy. Et l'autre, évidemment, Maurice, totalement différent, qui lui écrit des vers, qui est byroniste, romantique, et qui, évidemment, est un garçon très sensible, un peu trop dévoué à sa maman. On va dire un ça peu comme trop ça. Sensible, c'est ce que un vous êtes en train de dire. Un peu trop sensible aussi. Il ne fera pas une très grande carrière, Maurice Rostand, malgré le nom de son père. Hein. Maurice Rostand est très connu à l'époque. C'est un homme qui publiera énormément de textes, romans, pièces de théâtre. L'homme que j'ai tué, qui reste peut-être davantage dans les annales, puisqu'il est porté au cinéma américain. C'est un homme dont le destin est assez triste, parce que, évidemment, il meurt avant sa mère. Cocteau écrit dans son journal Le Passé Défini qu'il avait fait une sorte de pacte avec Sainte Thérèse de Lisieux pour que sa mère meure centenaire. Alors que malheureusement, heureusement, on meurt à 82 ou 83, il ne survivra pas à cette disparition. Et c'est un fantôme décharné, une espèce de vieille marionnette peinte que son frère Jean recueille dans sa maison de Ville d'Avray et garde jusqu'à sa mort quasiment. La pièce L'Aiglon avait été dédiée à Maurice, justement. Absolument. Et on peut imaginer le petit Maurice sautant, si je puis dire, sur les genoux de Sarah Bernard. Enfin, il écrit dans ses mémoires l'admiration, la vénération qu'il porte. Et n'oublions pas que c'est Maurice Rostand qui va commettre une pièce qui s'appelle La Gloire, pièce dans laquelle jouera Sarah Bernard pour la dernière fois. Elle a déjà, évidemment, elle a déjà été amputée de sa jambe et elle se fait porter sur la scène comme une inspiratrice de Byzance et elle déclame le texte de La Gloire à travers un cadre. Vous imaginez la scène. Alors justement, Edmond Rostand, qui ne vivra pas vieux, le pauvre, emporté qu'il est par la grippe, espagnole, lui aussi à 50 ans, il avait écrit ce poème Les Vieux. Et si vous voulez, nous allons entendre Les Vieux dit par Madame Sarah Bernard. Alors, même motif, même punition, il faut encore ouvrir un peu l'oreille. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blancs seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui prend soleil, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête, nous nous croirons encore de jeunes amoureux, et je te sourirai tout en branlant la tête, et nous ferons un couple adorable de vieux. Nous nous regarderons assis sous notre fraise, avec de petits yeux attendris et brillants. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blancs seront des cheveux blancs. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, c'est donc Rosemonde qui parle, Philippe Séguy. Absolument, c'est elle qui parle et en entend évidemment cette articulation exceptionnelle de Mademoiselle Bernard, de la divine, et cette respiration qui, dit-on, lui faisait dire les 30 ou 40 premiers vers de Phèdre d'une seule traite, sans jamais reprendre son souffle. Alors un peu d'air frais dans tout ça, il semblerait que Jean, lui, ait voulu changer de paysage d'une certaine manière. Jean, c'est le trublion. C'est celui qui a pourtant une adoration aussi pour la littérature, une véritable passion pour les lettres, mais c'est le scientifique. Et c'est surtout un être d'une brillante intelligence et d'une intelligence, je dirais, complètement indépendante. Jean Rostand, ou le solitaire de Ville d'Avray, comme on l'a souvent appelé, Jean Rostand qui refuse de faire une carrière universitaire, Jean Rostand qui ne veut pas être bardé de diplômes, qui s'arrête, il doit avoir un ou deux certificats de licence. Il faut l'imaginer dans son laboratoire de Ville d'Avray, entouré d'éprouvettes, entouré avec ses grenouilles, avec ses notes, avec son tableau noir, recevant peu, mais recevant quand même. Jean Rostand, le misogyne, le misanthrope, qui est capable de dire vers la fin de sa vie « je préfère la fréquentation d'un clochard à celle d'un président de la République ». Et qui préfère écouter Gloria Lasso à une calasse, et qui le dit sincèrement, même si parfois le trait semble un peu outré. Il dit tout très sincèrement, toujours. Il a une lucidité, Jean Rostand, qui à mon avis est digne d'éloge, pour ne pas dire d'exemple, et il a surtout une langue limpide. Ça, c'est peut-être l'héritage paternel et grand-paternel quand même. C'est-à-dire que pour un scientifique, si je puis dire, et pardon, Dieu sait si j'ai du respect pour les scientifiques, mais sa langue est celle d'un littérateur. C'est parfaitement écrit tout ce qu'il... Toujours, c'est un homme qui a abondamment publié. C'est un vulgarisateur de génie. C'est quelqu'un qui met finalement l'homme au cœur de, je dirais, la terre, le monde, tout revient à l'homme, tout part de l'homme. Jean Rostand est agnostique, Maurice Rostand, lui, au contraire, est un très grand mystique. Jean Rostand aime transmettre le savoir. Il a une vénération pour les très grands devanciers. Je pense bien évidemment à Pasteur, je pense à tous ceux, finalement, qui ont révolutionné littéralement le monde de la science en dénonçant, par exemple, le fléau des microbes. Et tout cet aspect, je dirais, de travail, de souche en profondeur, le passionne. Il déteste réellement tout ce qui semble artificiel et qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère. Il parle de l'homme en disant « j'adore la formule, ce paquet d'horreurs ». C'est assez étonnant de voir tous ces littérateurs et leurs fils. Je pense évidemment à Dumas et Dumas fils. Je pense à Lucien Guitry et son fils Sacha. On pense naturellement à Daudet et fils au pluriel d'une certaine manière. Il y a comme ça quasiment des dynasties sous la Troisième République de littérateurs en fait. Mais est-il bon, réellement bon pour les fils finalement d'avoir cette figure de commandeur, cette figure du père tellement écrasante? C'est le drame de Maurice Rostand. Et on comprend assez bien, sans faire de la psychanalyse de salon, que les choix scientifiques de Jean Rostand l'éloignent et le mettent finalement à l'abri. Il y va d'une sorte de survie de la statue d'Edmond. Finalement. Il a eu lui-même un fils d'ailleurs, François. Il a un fils qui s'appelle François Rostand. François Rostand qui lui, et c'est assez fascinant, lorsqu'on évoquait justement la vie des Rostand, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui se sont mariés de manière consanguine, en épousant systématiquement leurs cousins, et ce, depuis je dirais la fin du XVIe siècle, la fameuse famille Estrangin. Et François Rostand refuse finalement cette espèce de cycle perpétuel dans d'endogamie, de la vie, oui. d'endogamie, et s'il se marie, il n'aura pas d'enfants. Et les gens qui l'ont rencontré m'ont tous dit qu'ils répugnaient à parler d'Edmond, comme ils répugnaient d'ailleurs à parler de Jean, préférant finalement parler de Dieu. Il avait en quelque sorte hérité de son oncle Maurice une foi chevillée au corps. Et pour ne pas dire presque un mysticisme. À mon sens, on s'approche tout à fait du mysticisme, et c'est un homme qui meurt seul dans le silence finalement de la foi. Les Rostand de Philippe Séguy, c'est publié chez Pygmalion, et je pense que vous aurez compris au terme de cette heure que c'est une lecture passionnante. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, nous avons une question de Jacques via le site internet europe1.fr. Depuis quand boit-on du mousseux et du champagne ? Alors voilà, quand on vous dit, si vous connaissez vos dates, quand on vous dit 1638-1715, vous me répondez Louis XIV. Eh bien oui, mais 1638-1715, c'est aussi un certain Dom Pérignon qui était le cellerier, c'est-à-dire l'intendant, si vous voulez, de l'abbaye de Auvillé. On est donc en Champagne, bien entendu, une abbaye qui faisait des vins depuis très longtemps. Sauf que ce pauvre Dom Pérignon, tellement bon organisateur, tellement brillant dans tous les domaines, va perdre la vue peu à peu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à mesure qu'il perd la vue, les autres sens, si je puis dire, se développent, et notamment ce goût extraordinaire qui lui permettait de reconnaître simplement au goût la provenance de chaque grain de raisin. Il disait ça vient des prières, ça vient de Côte-à-Bras ou du Barillet, des quartiers, du Clos Sainte-Hélène, etc. C'était assez étonnant. Il va, grâce à ce talent inouï et à cette sensibilité particulière, Dom Pérignon va être capable de créer un vin de plus en plus raffiné. Vous savez que c'est lui qui va faire ce vin blanc extraordinaire, ce vin d'Auvillé à partir de Pinot Noir, à partir d'un cépage rouge. Et puis surtout, il va avoir cette idée incroyable d'utiliser la seconde fermentation, celle du printemps, qui fait des vins qu'on appelait sauts de bouchon à l'époque ou des vins fous. C'était considéré comme un handicap, comme un problème. Il va comprendre ce que ce vin pétillant a d'extraordinaire, et grâce à l'arrivée du bouchon de Liège, il va peu à peu domestiquer le phénomène. C'est-à-dire que dès les années 1700, alors que Dom Pérignon est encore en vie, on se met à commercialiser ce vin pétillant qui, sous la Régence, vous le savez, sous le règne de Louis XV, va devenir le vin des vins, cet extraordinaire champagne dont Madame de Pompadour disait qu'il était le seul vin qu'une femme pouvait consommer sans s'en les dire. Eh bien, c'est à Dom Pérignon qu'on le doit, c'est donc à cette époque, on est au tournant du 18e siècle et c'est la naissance du champagne pour répondre à notre auditeur. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain en direct à 14h sur Europe 1. Pour une émission consacrée à la Perse éternelle, à demain. Et voici Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, on parle des vampires psychiques. On les reconnaît facilement, ils n'ont pas forcément des grandes dents, mais ils ont tous cette particularité, ce besoin de se nourrir de notre énergie. Et nous du coup, quand ils s'en vont, on est à plat. Merci beaucoup chère Isabelle, on va écouter ça avec grand intérêt.